Trayong-mi, chercheuse à l'Institut du désarmement et de la paix, près le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, a publié le 25 un commentaire titré « Il faut battre un chien enragé à l'agonie ». En voici le résumé. Park Geun-hye, qui avait fait honte à la population sud-coréenne en outrageant les affaires d'État suivant des révélations d'une cible novice, a déclaré la guerre à la surprise du monde. Rappelons que lors de ses excuses à la population pour éviter la crise, Park Geun-hye a promis de faire l'impossible pour éclaircir l'affaire et de se soumettre même aux enquêtes avec les larmes aux yeux. Toutefois, elle a trahi à toutes ses promesses. Alors, toutes les couches sud-coréennes déplorent qu'elle a refusé entièrement la démission, les investigations et la mise en ordre pour déclarer la guerre contre la population. L'ignorance et l'arbitraire de Park Geun-hye se révèlent telles quelles à l'échelle internationale. Pour survivre au prix de l'acquisition des demandes de ses suzerains, elle accélère la disposition de SAD malgré la protestation unanime de l'intérieur et de l'extérieur du pays, mais aussi n'hésite point l'atteinte à la paix et la sécurité de la région, comme la conclusion d'un accord sur la protection des renseignements militaires avec le Japon. Quoique Park Geun-hye, privée même de la raison élémentaire à tel point qu'elle soit incapable de discerner sa position sans parler du courant de l'époque, fasse preuve de sa patience, elle ne peut éviter une issue lamentable. À présent, beaucoup de pays qui avaient les liens avec la marionnette de la Sibylle novice, sans voir correctement sa nature, sont déçus forts. Le chien enragé est habitué à mordre, donc il ne reste que la honte et le déshonneur si on fait face à la traîtresse Park Geun-hye.